Et maintenant, c'est l'invité explosif. J'ai coupé un peu tout. Et notre invité explosif, pour ceux qui nous rejoignent, c'est Jérémy Charbonnel. Il vient pour nous parler de son one-man show Fils 2. Mais avant d'en parler, on va parler un petit peu de ton parcours, hein, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent très peu. Je t'en prie. Alors, tu as attaqué le théâtre à Lyon. Oui. Dans le quartier de la Croix-Rousse. Oui, oh là, t'as bien lu ma bio, toi. Et j'ai reçu le dossier de presse, les gars. Oh, putain. Alors, comment tu as découvert le théâtre? Le théâtre, un peu par hasard. À Lyon, tu veux dire? Oui, à Lyon, dans ta vie, quoi. Bah, complètement par hasard, c'est-à-dire que je faisais des petits sketchs chez moi, j'ai vu des cassettes en VHS de Delicacou, et puis je me suis dit, bah ouais, il faut voir si le théâtre, ça peut me plaire, mais j'ai fait ça très tard, j'ai fait ça, je devais avoir déjà 17-18 ans. Et en 2007, tu montes à Paris. Ouais. Et alors, quelle formation tu as suivie à Paris? J'ai fait le studio Pygmalion, qui est à Montrouge, très bonne formation que je vous conseille, et le laboratoire de l'acteur, qui est à Parmentier, que je vous conseille également. Voilà. Tu conseilles tout, quoi. Bah oui, écoute. Hein. Alors, c'est à ce moment-là que tu as écrit tes premiers sketchs? Non, c'est après. J'ai fait ces 2 ans de formation, puis je me suis dit, bah, je peux faire des formations toute ma vie. Et puis non, il fallait que je crée un projet qui puisse me permettre d'être sur scène, de commencer à créer mon réseau, faire venir des gens. Et donc, j'ai eu l'idée de d'écrire des petits sketchs. Comme je te le disais, quand j'étais petit, je regardais les spectacles d'Elikaku, je regardais les nuls, et je me suis formé à l'improvisation. Voilà, juste après. Oui, à l'impro avec les colocataires. Je me suis formé à l'improvisation à la LIFI, qui est la Ligue française d'impro à Paris. Chaque semaine, on a un invité qui est à la LIFI. C'est une super école. La LIFI, ils ont importé le match d'improvisation en France. Et puis, c'est des gens qui ont 30 ans d'impro derrière eux et qui te forment extrêmement bien pour l'impro. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer les colocataires où j'ai intégré leur troupe pendant 4 ans. 4 ans. 4 ans d'impro. T'en fais encore de l'impro? Ouais, toujours. Ouais. Tu fais toujours des matchs? Des matchs et puis pas mal d'impro aussi en entreprise avec la LIFI. On fait pas mal de restitutions, de démos d'impro. Ah, cool. Pour les séminaires. Ton premier one-man show s'appelait L'homme idéal ou juste un gros connard? Ouais. Voilà. Tu l'as joué où, ce spectacle? J'ai joué ça au Théâtre Le Bou, à Pigalle. On connaît un petit peu. Ah, bah, vous êtes du coin. Du Pigalle, là. Alors, on a pu te voir à la télé également dans des adaptations de Georges Simenon. Notamment dans L'escalier de fer avec Laurent Gérard. Tout à fait. Alors, t'en gardes un bon souvenir? Excellent. Et pourquoi? Non, parce que est-ce que t'as bossé des imitations avec Laurent Gérard? Non. Mais c'était incroyable ce film. Il était, parce que c'était son premier film dramatique. Oui, c'est vrai. Et il était d'une humilité sur le plateau. C'était incroyable. Il s'excusait. Et c'était une belle rencontre parce que lui aussi est lyonnais. Et voilà, on a pas mal discuté sur son parcours. Lui, comment il a fait pour venir de Lyon jusqu'à Paris. Et en TGV? Il a pris le train. Ouais, bon, excellent. T'aurais pu te mettre toi-même un petit. Non, c'était une super expérience, vraiment. Oui, non, je te dis ça parce que tu as remarqué que nous on aimait les imitations. Ah, une petite interview imitation. Tu peux nous faire une imitation? Non, t'as rien appris. Attends, tu dis que ça tombe à l'eau cette question. On me dit le direct. Tu peux essayer d'imiter Thibaut, hein. Ouais. Ça va tout nous faire rire. Imitation. Ouais, fais-nous une imitation. Aimé Jacquet, si tu veux. Ah, vas-y. Muscle ton jeu, Thibaut. Tu donnes le ballon, fais pas ci, fais pas ça, tu le donnes à Liliard. Liliard qui donne à Zizou, muscle ton jeu. On dirait Bernard Laporte. Ouais, y'a rien. Parce que les deux, pareil. La porte aussi est dans ce même esprit. On a pu également te voir avec Stéphane Bern dans Comment ça va bien. Mais oui. Qu'est-ce que tu faisais dans Comment ça va bien? Je faisais un peu tout, en fait. Dans CCVB. CCVB. Oui. J'ai fait le quiz de la fin d'émission. Et puis après, je me suis retrouvé autour de la table avec les autres chroniqueurs. J'ai fait des chroniques bonne manière. Après, on a fait des petites vidéos. Un peu de tout. J'ai vraiment fait plein de trucs dans cette émission. C'était très sympa. Et puis, on a pu te voir dans Clo-Clo, le biopic de Claude François. Clo-Clo. De Florent Emilio Siri. Tout à fait. Tu jouais Christian Maurice. Oh, ouais. Alors, comment tu t'es retrouvé dans le casting? Tu veux la vraie histoire? Oui, bah oui. Eh bah, écoute, la vraie histoire, c'est quand je suis arrivé sur Paris que j'ai commencé mes formations de comédien. Je suis allé à Pôle emploi spectacle. Et Pôle emploi spectacle, ils ont un fichier figuration et un fichier comédien. Et je suis allé au fichier comédien, on m'a dit, ah bah, monsieur, on peut pas vous prendre parce que normalement, il faut que vous ayez vos 507 heures, vous soyez intermittent, que vous ayez fait une école qui soit référencée par l'État. Et ils voient mon CV tout mitonné, mais il y avait un truc que j'avais pas mitonné, c'était l'école dans laquelle je faisais, qui était le studio Pygmalion. Et à l'époque, le studio Pygmalion faisait des formations avec la NPE spectacle. Et le mec m'a dit, ah, attends, si toi t'es au studio Pygmalion, c'est que tu vas travailler. Et donc, il m'a ouvert mon fichier comédien à Pôle emploi spectacle. Je l'ai laissé. Je n'y ai jamais touché pendant pendant 5 ans. Et 5 ans après, il y a Olivier Carbone qui était le directeur de casting du film qui cherchait des nouvelles têtes. Et il allait chercher dans ce fichier comédien et il m'a appelé et on s'est rencontrés. J'ai passé le casting et je l'ai décroché. Comme quoi, Pôle emploi. Mais tu vois, des fois. Est-ce que tu as rencontré le vrai Christian Maurice? Non, mais je l'ai eu au téléphone. Ah. En fait, c'était un peu étrange parce que la production savait. Enfin, je me demandais s'il était encore en vie, s'il était là. Et puis, il savait pas trop. Ce mec a écrit un bouquin. Il avait écrit un bouquin sur Claude François. Et puis, voilà, j'ai fait le film. Et en fait, il a appelé mon agent après. Voilà, pour me raconter comment lui il l'avait vécu, comment il avait vu le film. Voilà. Et alors, il a aimé son rôle? Enfin, ton. Ouais. Vraiment, c'était une relation très fraternelle entre les deux. Il y a des choses dans le film qu'on voit pas énormément, mais c'est-à-dire que vraiment, Christian Maurice, il allait sélectionner les nanas dans l'assistance. Il en prenait deux ou trois. Il pouvait même aller jusqu'à les chauffer pour qu'elles soient bien à température quand Claude arrivait. Enfin, vraiment, c'était une autre époque, quoi. C'est. Nous ici on le fait pas, hein. On n'a pas de public. Et vous avez tourné dans le vrai moulin de Danemois de Claude. Exactement, ouais, c'était assez impressionnant. Alors c'est très, ouais, bah c'est limite un musée maintenant, hein. Oui, c'est un musée, c'est un musée, ça se visite, ouais. Il se visite, ouais. Et c'est vrai que voilà, tu as une petite atmosphère particulière quand tu rentres dans ce moulin. Bah tu m'étonnes. Une atmosphère électrique. Oh, oh. Excellent. C'est pas toi qui a une pièce qui s'appelle un Maccabée dans la baignoire? Voilà, exactement. Ça, c'est ça. Ce n'est pas une vanne de la pièce. Ce n'est pas un biopic. C'est le titre de la pièce. Ah oui. Non mais répétez pas toutes les vannes de la pièce. Et donc aujourd'hui tu es là pour nous parler de Fils 2, ton one man show. Bah avant d'en parler, on va écouter un petit extrait. Allez, vas-y. C'est parti. Je sais que vous l'avez vu. J'ai le physique d'un jeune homme de bonne famille. Ça fout une belle ambiance de merde, ça, hein, vous avez vu? Non, mais on dirait un rôti de porc trop ficelé, là! Tu sues du beurre, fais gaffe, quoi! C'est pas possible, moi, je peux pas lui dire. Ah, sinon, je me ferais déshériter. Oh, ce serait trop bête, hein? Si près du but. Est-ce que prof d'anglais, c'est pas le métier au plus faible rendement au monde? Non, c'est dingue! Tu fais 10 ans d'anglais, t'apprends 30 mots. Ça fait 3 mots par an. Jeremy Charbonnel, sit down! Oh, Catherine, t'as vu la réforme? J'ai 3 mots à leur apprendre cette année, je suis en panique totale. Voilà, c'est Fils 2. Alors, est-ce qu'on peut dire que Fils 2, c'est la continuité un peu de L'Homme idéal ou juste un gros connard? Complètement, bien sûr. Alors, ouais. Ouais. Allez, vas-y. Non, parce que en fait, ce titre me plaisait beaucoup, L'Homme idéal ou juste un gros connard, mais il me bloquait énormément sur les ventes de spectacles dans les centres culturels, dans les mairies. Ah, Fils 2, c'est mieux. Bah non, mais enfin oui, c'est mieux, parce qu'il y a pas le mot connard. Il y a pas le mot connard. Ouais. Après Fils 2, je suis un fils de bonne famille, donc après les gens s'ils pensent que c'est fils de pute. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé pourquoi le titre Fils 2. Bah tu viens de répondre. Voilà, exactement. C'est voilà, ce mélange des deux. Alors, tu bosses seul ce one man show? Tu as tout écrit? Non, j'écris maintenant avec un pote. On est à deux. Et puis après, sur la mise en scène, maintenant je suis tout seul. Et puis le point virgule m'aide énormément aussi dans la direction artistique. Dans, voilà, le point virgule est véritablement, comme ils le disent eux-mêmes, un révélateur de talent. Et donc ils essayent, voilà, que chaque artiste qui est là au point virgule, qui joue, ils essayent de les accompagner dans un développement et de rencontrer les bonnes personnes qui puissent nous faire grandir. Et c'est mis Antoinette. En scène. Antoinette Colin, bien sûr. Et je conseille à tous les gens qui se lancent dans le One Man de venir passer les auditions du tremplin. Voilà, parce que elle vous serez 150 dans la salle, par contre. Mais... Bah voilà, il y a du monde, c'est tout, sûr. Oui. Je vous conseille d'aller là où je vais manger. Non, mais c'est vrai qu'après, les gens font ce qu'ils veulent, mais les bons plans, autant les partager, mm-hmm. Tu vois, faut pas les garder pour soi. C'est mis en scène par toi-même? Maintenant, ouais. Ah, j'ai viré tout le monde. T'as fait un peu de mise en scène d'ailleurs. T'as mis en scène un spectacle au Mathurin, ouais. Là, je connais un petit peu ta carrière. Putain, ouais. C'était quoi? C'est bien, ouais. C'était les filles des Mathurins. En fait, c'était trois personnalités de One Man qu'on a pris. Chacun faisait à peu près deux passages de leur spectacle. On a créé une histoire avec tous leurs personnages de ce spectacle. Et chacun, ils étaient à trois, deux sur scène, puis après leur partie solo. Et on a fait ça pendant 6 mois au Mathurin. C'était une belle expérience. Alors, dans ton One Man Show, tu nous dis que t'es très mauvais en anglais. Ouais. C'est vrai. T'as des conseils pour l'anglais? Pour l'anglais. Bah non, là franchement, barrez-vous à l'étranger, allez voir les américaines. Bon, on apprend l'anglais sur quoi déjà? Apple Pie. Apple Pie, vous avez eu Apple Pie? Ah, c'est vrai, bien sûr. Ouais, mais c'est. Et puis là, je montre le vrai, le bouquin, et c'est vrai qu'il y a une. Les gens ont cette sensation. Mais t'as vraiment eu une prof d'anglais comme ça? Ouais. Parce que ma mère était prof d'anglais, donc je me dis, tiens, elle a une drôle de gueule, ma mère. Oh fuck! Tu nous l'as fait, tu es bilingue alors? Oui, je suis multiglotte même. Ah ouais, bah vas-y alors. Yes, it isn't. Voilà. Ah, oh avec une mère prof d'anglais, putain, c'est quel défi. Ah bah là, alors. Et elle écoute sa maman, faut savoir. Elle écoute l'émission. Je peux dire fuck. Ah ouais, wow. Je viens de te dénoncer. Quel culot. Ouais. Parfait. Tu peux nous la faire, la prof d'anglais au. Quiet, please, everybody, and sit down! Sit down! Tu nous parles également de tes copains qui ont eu des enfants. Ah oui, bah là, j'en ai énormément. Là, en ce moment, là, ça pond dans tous les sens. Ah, c'est impressionnant, je sais pas ce qui se passe, mais. Alors, tu le vis bien avec tes copains, t'as encore. Ah bah, c'est eux qui ont plus de vie sociale. Hein, non, mais je veux dire, tu les vois encore un petit peu? Bah ouais, mais c'est eux, ils sont complètement fatigués, ils sont épuisés. C'est un enfer. Ah bah là, je vous déconseille. Hein. Oui, c'est vrai que dans le spectacle, je mime un accouchement du bébé qui sort. Ah oui, c'est répugnant d'ailleurs. Oui, on est parti d'ailleurs. Avec les trois personnages, entre la femme qui accouche, le bébé et le gynéco, et puis les parents dépressifs. C'est vrai que tu vas manger chez des jeunes parents, les mecs, ils sont à la rue totale. Hein. Ils ont les cernes jusque-là, ils disent n'importe quoi. Ils s'occupent du chien aussi, je crois. Ah bah le pauvre. Ils ont plus ça m'a beaucoup fait rire ça. Ils ont plus le temps de s'occuper du chien, bah il est mort. Voilà. Ah non. Ouais. C'est pas grave, ça fait un doudou de plus pour le petit, t'inquiète. Ou une descente de lit. Il y a des dates de prévues. En tournée. Oui, demain je suis à Craponne, côté de Lyon. Le 19 novembre, je suis à Cloix-sur-le-Loire. T'es à Craponne? Ouais, Craponne. Dans le 43? Non, dans le 69. Ah, il y a un cachot dans le 43. Tu connais, mais pas du tout. J'ai joué au foot à Craponne. Contre Craponne. Al Craponne? Oh! Et par contre, je ne mets pas le ding-ding. Non, non. Je l'ai aussi, je l'ai aussi. Il y en a un de l'autre côté aussi. C'est la battle. Donc tu es à. D'accord. Très bien. Non, mais toutes les dates sur mon site internet, jérémycharbonnel.com, dans la page agenda, vous voyez, c'est bien foutu. Où je suis allé pour préparer cette étude. Mais pas dans la page agenda. Il est très bien, j'ai même vu qu'il y avait Pornic, me semble-t-il, etc. Exactement, le 2 décembre. Tu connais Pornic? Pas de jeu de mots avec Pornic, Jean-Pornic. J'ai pas osé. Trop facile, trop prévisible. Pour te retrouver, c'est Facebook, Twitter. Ouais, Jérémy Charbonnel sur Facebook, Twitter, Instagram. J'ai Snapchat les jeunes, on peut y aller. Jean-Paul, c'est le Minitel. Il y a également une pastille humoristique. J'ai dit une connerie. Bah, ouais. Ça aussi, c'est la continuité. Bah, l'idée, ouais, c'était de retrouver le personnage du spectacle sur Internet et que voilà, les gens qui ne m'auraient pas vu sur scène puis aient envie de me découvrir sur cette petite pastille et inversement. Donc, Sur YouTube. Sur YouTube, tout à fait. Tous les dimanches. J'ai une chaîne YouTube. J'ai mis Charbonnel. Très bien. Oh, il est in. Il est in. Il est saut 2018, celui-ci. Ah là là. D'autres projets à venir dans l'année prochaine? Oui, on a tous entendu la même chose, mais on va le laisser continuer. Ça, oui. Continue, on sait pas de quoi c'est parlé. Il y a que lui qui a pas compris. Vas-y, redis ce que t'as dit pour voir. D'autres projets à venir? Non, juste avant. Non, mais j'ai dit quoi? Tu écouteras le podcast. On ne sera pas leur fête. C'est ça. Je crois que c'est le saut 2018. Saut 2000, lui. Ah, d'accord. Voilà. Il est perturbé. Voilà, on a des jeunes qui nous écoutent. Merde. Hashtag Pantex. Dites-nous si vous êtes faux. Ah oui, tu as d'autres projets pour l'année prochaine? Pour l'instant, c'est le spectacle. Essayer de le faire grandir, de continuer à la rentrée, j'espère, au point. Et puis, voilà, la tournée. Avignon? Avignon, non, je pense pas cette année. Pas cette année, d'accord. Non. Mais peut-être Paris, continuer voilà, à faire grandir le spectacle et que les gens viennent découvrir ça au point virgule. Et voilà, donc pour voir Jérémy Charbonnel, c'est soit demain en tournée. À Craponne. Sinon dimanche à Paris. Et sinon voilà, c'est au point virgule à 19h les dimanches et lundis. Tout à fait. C'est bien ça, à 19h pour réserver sur Billets Réduc, je suppose. Billets Réduc, le site du point virgule. Sur ton site internet, Jérémy Charbonnel. Réservé, hein, parce que c'est souvent plein. Quand on y était, c'était complet.